suis très content. Oui. Tout est en ordre. Moyenne. Leçon 17. Lektion 17. Au cours de notre dernière leçon, nous avons appris les noms luxembourgeois pour les différentes fêtes et les jours fériés qui reviennent chaque année. Aujourd'hui, c'est le tour des saisons, Jahreszeiten, des mois, Meint, et des jours de la semaine, Wochendisch. L'hiver s'appelle Winter, en hiver, am Winter. Le printemps s'appelle Frühjahr, au printemps, am Frühjahr. L'été devient Sommer et l'automne, Herbst. De Winter, Frühjahr, de Sommer, den Herbst. Les noms des mois sont faciles et proches du français. Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember. Les jours de la semaine, cependant, sont tout différents et assez difficiles à prononcer. En commençant par le lundi, nous avons Mindisch, Dienstisch, Mittwoch, Donnerstisch, Freitag, Samstisch, Sonntag. Encore une fois, Mindisch, Dienstisch, Mittwoch, Donnerstisch, Freitag, Samstisch, Sonntag. Cependant, si vous voulez dire le lundi ou les lundis, mardi, mercredi en général, le nom devient adverbe, perd sa majuscule et la terminaison en EG pour une terminaison en S. Donc, Mindes, Dienstes, Mittwochs, Donnerstes, Freitags, Samstes, Sonntags. Voyons quelques exemples. Le lundi, donc tous les lundis, je vais nager. Mindes, gine schwammen. Le mardi, j'ai une répétition. Dienstes, hunne ich prof. Le mercredi, j'apprends le luxembourgeois. Mittwochs, lerne ich litzebuyisch. Des fois, le jour de la semaine est précédé d'un article indéfini. Un Mindisch, un Mittwoch, un Samstisch. Dans ce cas, on parle toujours du premier lundi, mercredi ou samedi à venir. Donc, un Mindisch in Jan Stadt, un Donnerstisch kin ich bei den Zahndokter, chez le dentiste, un Freitag den Abend kin ich an de Kino. Pour les différentes parties de la journée, on trouve un emploi similaire. Le matin s'appelle Morgen, midi devient Mittisch, l'après-midi No Mittisch, et le soir, Ovent. De Mouren, c'est-à-dire Haute Mouren, ce matin, hun ich 10 Uhr Kaffee getrunken. De Mittisch, gin ich an de Restaurant Chinesisch essen. De No Mittisch, gin ich akaffen. An den Ovent, gin ich bei Freunden auf Besuch. Si l'on parle des matins, les après-midi et soirs en général, on laisse tomber la majuscule comme pour les jours de la semaine et on a une terminaison en S. Mouren, Mittisch, No Mittisch, Ovent. Voyons quelques exemples pour illustrer la différence entre les deux. Un Freitag den Abend gin ich an de Kino. Ce vendredi soir, je vais au cinéma. Freitags Abend gin ich an de Kino. Le vendredi soir, en général, je vais au cinéma. Un Mindes Morgen gin ich an de Stadt. Ce lundi matin, je vais en ville. Mindes Morgen gin ich an de Stadt. Les lundis matins, je vais en ville. Un Mittwoch den Nachmittag gehe ich schwimmen. Ce mercredi après-midi précis, je vais nager. Mittwochs Nachmittag gehe ich schwimmen. Les mercredis après-midi, je vais nager. Wat macht ihr den Abend? Que faites-vous ce soir? Wat macht ihr abends? Que faites-vous le soir? Wo isst du den Mittag? Où manges-tu aujourd'hui à midi? Wo isst du mittags? Où manges-tu à midi? Ajoutons pour terminer les termes luxembourgeois pour hier, demain, etc. Hier s'appelle gestern, avant-hier, viergestern. Demain devient mer ou mur ou moir. Après-demain, ivermer ou ivermur ou ivermoir. Aujourd'hui s'appelle haut. La semaine prochaine devient next Woche. Le mois prochain, the next month. L'année prochaine, next year.